je ne sais pas comment te le dire. J'ai les couilles gonflées par le désir. Quand je te vois, je ne sais pas où me mettre. Je rêve juste de la mer. La première chose qui me vient en tête, ce n'est pas un dîner aux chandelles, mais plutôt de te prendre en levrette dans de beaux draps d'herbe. Viens dans mon slip, viens dans mon slip, viens dans mon slip, voir où j'habite. If you don't sleep, lèche-moi la bite. C'est difficile à expliquer cette sensation à l'entrejambe qui donne envie de me branler. Pensant à qui je te le demande, bloqué par ma timidité, je n'ose pas te parler. Alors comme une merde je déprime, fantasme et je souille mon dîme. Viens dans mon slip, voir où j'habite. Viens dans mon slip, viens dans mon slip. If you don't sleep, lèche-moi la bite. Je pense à toi tous les jours, même jusque dans mon lit. Je pense à ce que serait notre amour, et je fais la carte de plein de pays. Tu l'auras remarqué, je suis pas doué pour faire une déclaration d'amour. Mais crois-moi, je peux te le jurer, je t'aimerai pour toujours. Viens dans mon slip, voir où j'habite. Viens dans mon slip, viens dans mon slip, viens dans mon slip, voir où j'habite. If you don't sleep, lèche-moi la bite. Tu ne veux pas me sucer l'amour. Tu pourras toujours me gober.